Combien de fois j'ai rêvé de rengainer les armes, de pouvoir repartir au lieu de mes premières larmes. Et les plus belles choses du monde qui sont là à chaque seconde, j'y pense. Combien de fois j'ai rêvé de pouvoir faire le tour du monde, de mettre à l'abri ma famille. Après tout, c'est tout ce qui compte. Et si demain c'est mon dernier soupir, venez chanter sur ma tombe. Y'a que la musique qui m'inspire, elle me suit comme mon ombre. Combien de fois j'ai rêvé de me remettre bien, et penser au lendemain, toujours un peu plus gai. Il paraît que c'est vital de faire sortir le mal. Au fond de moi l'inspire vous dit que c'est ma vie. Combien de fois j'ai rêvé que la paix se propage. Dis-moi si tout est calculé, combien j'en ai gratté de pages. Les soucis ne sont que de passage, les notes de musique me soulagent. Le bilan c'est le même, je prends de l'âge, je voudrais bien prendre le large. Combien de fois j'ai rêvé d'avoir fait basculer vers cette obscurité, un enfant aussi gai, avec tous ces mensonges, plein de perplexités qui envahissent mes songes. J'avoue, je vais craquer. Combien de fois j'ai rêvé que je sautais dans la foule, les bras tendus vers le ciel. J'attends un appel de la foudre. Mon reflet m'inspire la confiance quand je me regarde dans la glace. Et voir le sourire de mes enfants me donne la force et chasse l'angoisse.